Bonjour à toutes et tous, et oui, c'est l'heure de Je peux pas, j'ai patrimoine. Si vous êtes un amoureux de votre décor culturel qui vous entoure, eh bien c'est le moment de prêter l'oreille pour cette nouvelle édition où je suis accompagnée de Anna Brisson, guide conférencière au Pays Loire-Touraine. Bonjour Anna. Bonjour Marlène, bonjour à toutes et à tous. Alors Anna, vous allez aujourd'hui nous parler d'un sujet super intéressant, non pas que les précédents le sont moins, mais aujourd'hui je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a un petit côté estival qui s'y prête bien. On va parler du Cher canalisé. Tout à fait, alors on ne met pas encore les maillots de bain, il faut patienter un tout petit peu, mais oui, on va parler d'un petit peu de nature, de végétation et de rivière bien sûr. On a de la chance, c'est vrai que ce territoire du Pays Loire-Touraine est composé de plein de paysages différents, très variés. Tout au nord, on va avoir la Gâtine tourangelle. Tout au sud, on va avoir la Champagne tourangelle. Et puis entre les deux, la vallée de la Loire et la vallée du Cher. Ce Cher, c'est une rivière que j'apprécie tout particulièrement déjà parce que j'ai la chance d'habiter au bord du Cher. C'est vrai. Sur un petit village qui, lui, est dans le département du Loir-et-Cher, mais limitrophe du Pays Loire-Touraine. C'est une rivière aussi où on voit très, très souvent des gens se promener. Donc, on comprend qu'elle est très appréciée, autant des visiteurs que des locaux, des habitants. C'est vraiment pas rédhibitoire. Quand on habite au bord du Cher, on aime aller s'y balader. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu de la prochaine conférence que le Pays Loire-Touraine propose au mois d'avril, autour du Cher canalisé. Alors, le Cher, je l'aime aussi tout particulièrement parce que dans un passé pas si lointain que ça, j'y ai travaillé. J'ai été guide et pilote sur des bateaux. Donc voilà, j'apprécie tout particulièrement cette rivière. Alors la conférence que vous évoquiez, elle aura lieu le jeudi 24 avril, ce sera à 18h à Verrettes dans la salle Eugène Bizot. Il est bien évidemment toujours recommandé de bien réserver sa place sur le site du Pays Loire-Touraine. C'est tout simple, très intuitif et vous pourrez être sûr d'avoir votre place pour pouvoir écouter la conférence passionnante que va vous proposer Anna. Alors ce Cher canalisé, de quoi parle-t-on? C'est quoi la différence entre le Cher canalisé et le traditionnel Cher dont on parle? Alors ça c'est une question très importante, très intéressante et très importante. Tout d'abord le Cher c'est une rivière, elle prend sa source à Mérinchal, c'est dans le département de la Creuse, on est sur le bassin versant de la Loire, et il va s'écouler tranquillement sur 367 kilomètres. Ah oui, c'est une longue rivière avant d'aller se jeter dans la Loire. Alors la confluence entre le Cher et la Loire se trouve à hauteur de Villandry. C'est un lieu dit, quand on regarde sur les cartes un petit peu anciennes, qui s'appelle le Bec de Cher. Donc le Cher, c'est une rivière, c'est un affluent de la Loire. Le Cher canalisé, c'est une partie, on pourrait dire une portion du Cher, qui a connu une canalisation, c'est-à-dire que l'homme, la main de l'homme est intervenue pour améliorer les conditions de navigabilité. Et oui, pour les bateaux, pour la marine marchande. Et ça s'est passé au 19e siècle. Peut-être que pour débuter, il serait assez important de citer une phrase. En 1807, on nous dit « Le Cher sera rendu navigable sur toute sa longueur depuis Montluçon jusqu'à son embouchure dans la Loire, au moyen, si nécessaire, d'une ou plusieurs dérivations. » Ah, alors voilà, c'est une belle phrase, une longue phrase, mais qui va engager de gros travaux. Et puis deux têtes, je précise, pour... c'est juste impressionnant, Anna. Non, j'ai la chance encore d'avoir une mémoire qui ne me fait pas trop défaut pour le moment. Oui, mais enfin, chapeau. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on révise notre géo, parce que des mots comme confluence, affluent, des choses comme ça, qu'on ne les utilise pas tous les jours. Et j'avoue que j'aurais pu me tromper aisément. Bah, oui. C'est vrai, c'est genre de mémoire, moi, je dirais que c'était en CM1 que j'ai appris tout ça. L'affluent. Mais vous voyez, c'est loin. Le fleuve, c'est vrai, c'est loin. Alors, bon, que se passe-t-il avec cette grande phrase? Déjà, on navigue sur les cours d'eau. Ça s'appelle la navigation intérieure en France depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Par exemple, sur le Cher, il y a un site de production de terre cuite, de poterie, qui se trouve dans le Loir-et-Cher à Thésée, qu'on a longtemps appelé Thésée la Romaine. C'est le site de Tassiaca. Eh bien, on s'est rendu compte que les poteries, les terres cuites de Tassiaca avaient été vendues et avaient voyagé par bateau. Et on les retrouve un petit peu plus bas et on va même les retrouver dans des villes comme Nantes, par exemple. Donc, des bateaux ont permis de vendre ces poteries de Thésée la Romaine. On est descendu le Cher, puis la Loire, on les retrouve un petit peu plus bas. Donc on navigue sur le Cher dès l'Antiquité. On va avoir un grand développement de la navigation sur les cours d'eau intérieurs au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, on a des bateaux, mais qui vont côtoyer également, par exemple, des passages à pied, puisque les ponts sont relativement rares. Par exemple, nous, sur le Cher canalisé en Pays Loire-Touraine, il y a un pont sur la commune de Bléré. Le pont en amont est en Loire-et-Cher, puisqu'il est sur la commune de Montrichard. Et puis après, entre Bléré et Tours, il n'y a pas de pont. Donc il faut aller jusque Tours. Donc il y a très peu de ponts. Du coup, il y a des passages à guet qui se font. Les gens ont bien sûr besoin de passer d'une rive à l'autre. Donc les endroits où on a des hauts fonds, donc un petit peu moins d'eau, lorsque le niveau d'eau est particulièrement bas, on va emprunter ces passages-là à pied pour passer d'une rive à l'autre. On va avoir ensuite l'installation également de bacs, des bateaux qui feront la traversée d'une rive à l'autre, moyennant bien sûr un petit paiement, bien sûr. On va rencontrer sur la rivière de nombreux moulins, bien sûr, des pêcheries également, donc des zones de pêche. Il y a une vie très importante sur la rivière, sur le Cher au Moyen-Âge. Et puis, on va décider d'améliorer de manière assez générale et globale dans toute la France, à partir du XVIIe siècle, les conditions de navigation sur nos fleuves et sur nos rivières. On se rend compte que la navigation sur la Loire, la marine de Loire, elle est très importante puisque c'est un axe de communication est-ouest ou ouest-est particulièrement important, très central en termes de géographie en France. Mais la navigation sur la Loire est particulièrement compliquée et rapidement, au XVIIe siècle, on va avoir des canaux artificiels qui vont être créés pour améliorer la navigation. Le premier d'entre eux, ce sera le canal de Briare en 1642. Et puis, peu de temps après, va suivre le canal d'Orléans en 1691. Et puis, finalement, le canal de Loing en 1724. Ces canaux, ils vont permettre des communications meilleures entre le bassin de la Seine, le bassin de la Loire. Et puis, on va aussi s'intéresser à la manière dont on va draguer la rivière ou le fleuve, en l'occurrence pour la Loire, pour avoir un chenal qui sera à peu près constant sur une année de navigation. On va oublier la période d'étiage, la période des très très basses eaux, on ne peut pas naviguer. On va oublier les périodes de crue, trop d'eau, on ne peut pas naviguer. Donc, on essaie au maximum d'améliorer ces conditions de navigabilité, mais ce n'est pas facile. Pourtant, cette marine de Loire, elle a une corporation qui existe depuis la toute fin du Moyen-Âge, elle reste importante. Et le Cher, on l'a mentionné il y a quelques instants, c'est un affluent de la Loire. Et lui, il va relier un territoire peut-être un petit peu plus rural, un petit peu plus au sud également, puisqu'on parle de Marseille, les Aubigny et de Montluçon. C'est un territoire où on va avoir des marchandises un petit peu différentes, des minerais de fer par exemple, et ça va être très intéressant. On va avoir besoin d'en amener un petit peu plus à l'ouest et un petit peu plus au nord de la France. Donc on se dit, il faut travailler sur le Cher. Alors le Cher, on est ennuyé, particulièrement ennuyé. La période d'étiage, donc de très basses eaux, est très marquée. Les bateaux ne peuvent absolument pas naviguer pendant minimum un mois et demi, presque deux mois. Et puis les crues, elles sont aussi très fréquentes à la fin de l'hiver, au début du printemps. On est sur le bassin versant du massif central en direction du bassin de la Loire. Et du coup, très rapidement, le Cher, il grossit à la fois à la fonte des neiges, mais aussi avec les pluies de début de printemps. Et donc, on va encore connaître 1, 2, 3 mois de navigation impossible, cette fois-ci parce qu'on a trop d'eau. Mais oui. Bon. Et puis, il y a des endroits où on a de très hauts fonds. Alors, on a un ingénieur qui s'appelle Camille Dutens qui va étudier le profil, on va dire, de la rivière sur toute sa longueur. Et c'est lui, entre autres, qui va déterminer un grand projet en, disons, 3 étapes distinctes. J'essaie d'être la plus claire possible, de vous les expliquer les mieux possible. Ça l'est, on est totalement dans le voyage. Super. Alors, on commence le voyage à Montluçon. Eh bien, entre Montluçon et Saint-Aignan-sur-Cher, ou Noyers-sur-Cher, si vous voyez dans le Loir-et-Cher, là, aucun travaux ne permettrait d'améliorer véritablement les conditions de navigation, de navigabilité. Du coup, on décide de creuser un canal latéral au Cher, comme on l'avait fait précédemment avec le canal de Briare, le canal d'Orléans ou le canal de Loing, un petit peu plus au nord. Donc là, c'est un canal artificiel creusé par l'homme qui est mis en eau, et dans ce canal, le niveau d'eau sera toujours constant. Donc on aura toujours de l'eau, on pourra naviguer toute l'année. On est à quelle période là, rappelez-nous ? Alors là, on est vraiment entre 1809 grossièrement, et 1835. Donc on est dans la première moitié du 19e siècle. Il y a une autre petite branche qui relie Marseille-les-Aubigny également jusqu'à Noyers-sur-Cher et Saint-Aignan-sur-Cher. En fait, ce canal de Berry, il a un petit peu une forme d'étoile à trois branches, si on voulait le dessiner de manière assez simple. Il a là une particularité, c'est un canal de petit gabarit. Et vous allez voir, ça a une importance. Et oui, puisque qui dit canal de petit gabarit, dit bateau de petit gabarit pouvant circuler sur ce canal. Donc, de Montluçon jusqu'à Saint-Aignan-sur-Cher, jusqu'à Noyers-sur-Cher, les bateaux emprunteront non plus la rivière, le Cher, mais le canal latéral, le canal artificiel. Par contre, le projet va être très différent entre Noyers-sur-Cher et la ville de Tours. Là, notre ingénieur Camille Dutens se dit « Ah, on n'est peut-être pas obligé de prolonger ce canal artificiel qui s'appelle le canal de Berry. On va pouvoir améliorer les conditions de navigabilité en régissant un petit peu le niveau de l'eau grâce à un système de retenue d'eau, grâce à un système de barrage. Mmh. Et les barrages suffiront à créer des retenues d'eau suffisantes pour avoir une hauteur d'eau suffisante pour la navigation. Et là, on va avoir ce qui s'appelle le Cher canalisé, de Noyers-sur-Cher jusqu'aux portes de la ville de Tours. Et j'y reviens dans un instant parce que c'est la partie qui nous intéresse le plus. Et le projet, je vous ai dit, c'était un petit peu trois phases distinctes. La dernière phase, elle est aux portes de la ville de Tours, entre Roche-Pinard, en fait, et la Loire. L'idée, c'était de construire, et ça a été réalisé, un canal de jonction entre le Cher, au sud, et la Loire, au nord. Ainsi, ça éviterait, à partir de ce moment-là, aux bateaux de devoir descendre jusqu'à la confluence, souvenez-vous, à hauteur de Villandry. En fait, on faisait un raccourci. Mmh. Au lieu de continuer sur le Cher, arrivé à Roche-Pinard, on traçait tout droit, on remontait au nord par le canal de jonction et on arrivait directement dans la Loire. Donc, le canal de Berry, puis le Cher canalisé, puis le canal de jonction du Cher à la Loire. Voilà le grand projet en trois phases, trois grandes étapes qui a vu le jour un petit peu avant le milieu du 19e siècle. Là, on était vraiment sur des commodités de transport, rien à voir avec un bénéfice pour l'agriculture, des fois, de pouvoir dévier finalement la rivière. Alors, il y a eu quelques petites dérivations, en effet, pour des moulins, par exemple. Donc, c'est pour l'agriculture, mais c'est la phase finale, hein, oui. C'est pour la minoterie. Il y a eu très peu de dérivations pour, par exemple, rendre l'eau plus accessible pour l'irrigation des champs. Non, là, c'est vraiment pour le transport des marchandises. Il faut imaginer qu'en France, on a beaucoup, beaucoup insisté début 19e pour améliorer les conditions de navigation sur tout le territoire. Et au même moment, hein, on a bien travaillé également sur les routes. On a vu une grande campagne de réfection des routes. Donc, c'est vrai qu'en termes de classement européen, là, dans les années 1830-1840, on est extrêmement bien placé pour la navigation et pour notre système routier de l'époque. Voilà. Il va toutefois y avoir un concurrent à cette... Ah oui, oh Marlène, est-ce que je peux m'attarder un tout petit peu sur le Cher canalisé avant de parler de la concurrence ? Complètement, au contraire. Parce que c'est quand même quelque chose à la fois d'exceptionnel, d'extraordinaire et extrêmement riche. Parce que c'est bien de dire oui, le Cher canalisé, alors c'est la partie comprise entre Noyers-sur-Cher et Roche-Pinard. Mais que s'est-il passé ? Parce que si on n'a pas de canal latéral, il nous faut des barrages pour avoir des hauteurs d'eau suffisantes pour naviguer. C'est un réseau, c'est un projet qui s'étale avec 16 barrages différents qui vont être construits. On est sur un parcours d'environ 60-62 km de longueur. 16 barrages, ça nous fait aller à peu près un barrage tous les 4 km, ah ouais. Grossièrement. Sacré boulot. Oui, mais le barrage, lui, il crée la retenue d'eau. Mmh. Les bateaux, s'il y a un barrage, ils ne peuvent pas passer. Donc, chaque barrage doit être un barrage éclusé. À chaque fois, vous avez un barrage qui retient l'eau et sur un des côtés de la rivière, quasiment à chaque fois le long de la rive droite, vous avez une écluse, une sorte, pour les plus jeunes qui nous écouteraient, d'ascenseur pour les bateaux. Hein. C'est vraiment un sas. On le remplit, on va arriver au niveau d'eau maximum, on pourra remonter la rivière ou alors, à l'inverse, on entre quand le niveau d'eau est important, on fait baisser le niveau d'eau, on ressort de l'autre côté du barrage, on se dirige vers l'aval. Ils sont toujours existants, ces 16 barrages ? Pas tous, non. Ah. Déjà, on en a perdu un. Il y en a un qui n'existe plus que sur les documents d'archives. C'est le tout dernier de la série, c'est celui de Roche-Pinard. Celui qui était le plus proche du canal de jonction du Cher à la Loire. Alors lui, il y a eu une restructuration totale avec la création du quartier des Rives du Cher, par exemple à Tours. Lui a complètement disparu. Par contre, en Pays-Loire-Touraine, ont été conservés sur les communes de Larçay, Véretz, Azay, Athée, Dières, Bléré, Francueil-Chissot, Civray, les autres barrages. Donc, on a énormément de chance qu'ils aient été conservés. Le barrage est conservé avec son système très particulier, j'y reviens. Les écluses ont été conservées, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les maisons éclusières. Mmh. Oui, parce qu'il faut du personnel pour mettre en place ces barrages. Les maisons, elles étaient doubles. Deux logements identiques, un petit peu en miroir. Entre les deux, un porche avec le four à pain. D'un côté, la maison pour l'éclusier, en charge des manœuvres des portes de l'écluse. Et de l'autre côté, la maison pour le barragiste, qui lui s'occupait davantage du barrage. Alors quand je vous disais que ces barrages étaient particuliers, oui, déjà je vais vous donner leur nom complet. On les appelle des barrages à aiguilles ou encore des barrages à fermettes mobiles. Ce qui est important, c'est de retenir que ces barrages sont des barrages mobiles. Dans mobile, il y a le fait qu'on les bouge. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les enlever ou les remettre en place. C'est une particularité. Tous les ans depuis leur construction entre 1836 et 1841, on va monter les barrages à aiguilles à la fin du printemps, une fois que les grandes crues de l'hiver et du printemps sont passées. Ils vont rester en place pendant 5-6 mois à peu près, normalement la période de l'année durant laquelle on a le moins d'eau dans le Cher, mais du coup, grâce à la présence des barrages, on aura suffisamment d'eau pour naviguer. Mais tous les ans également, quand on arrive au milieu de l'automne, on va démonter nos barrages à aiguilles. Oui, ainsi, on pourra laisser passer les grandes eaux, les grandes crues de l'hiver et du printemps, sans risquer d'endommager ces infrastructures toutes particulières. Alors, le barrage à aiguilles, le barrage à fermettes mobiles, c'est un barrage qui est composé de petites fermes, donc des fermettes en métal triangulaires. Elles vont chacune coulisser sur un axe. Ça, c'est caché tout au fond de la rivière. On ne le voit pas pendant l'hiver. Pourtant, c'est bien là. Ça dort tranquillement au fond du Cher. Vous avez un axe qui est créé par une grande poutre de bois qu'on appelle la longrine. Et puis en face, des petits dés de pierre. Donc, entre la longrine et le dé de pierre, vous avez une première barre métallique qui va soutenir une structure en forme de triangle. Et grâce à l'axe créé entre la longrine et le petit dé, on peut monter ou baisser cette petite structure de forme triangulaire. Donc quand on monte les barrages, on monte une première fermette en métal. On la redresse, on la met perpendiculaire au sol. Et en haut de la fermette, il y a comme un petit bout de tablier de métal. Et bien ce premier petit bout de tablier de métal, on vient le clipser sur l'écluse. Puis on avance d'un pas, on va relever la deuxième fermette en métal et le deuxième petit morceau de tablier vient se clipser sur la première, etc., etc. Et on monte toutes les fermettes métalliques. Donc déjà, on a une structure en métal qui va faire la longueur du barrage, une quarantaine de mètres grossièrement. Et pour maintenir un niveau d'eau, il va falloir qu'on bloque l'eau et on va le faire avec des aiguilles. Les aiguilles, ce sont de grands morceaux de bois. J'allais vous demander. Alors, elles ont grossièrement le gabarit d'un chevron. Pour ceux qui font un petit peu de menuiserie ou de charpente, voilà, grossièrement le gabarit d'un chevron. Elles mesurent 2,50 m de hauteur chacune. Elles sont en pin. Donc ce sont des morceaux de bois de section quasiment carré. Tout en haut, sur la partie supérieure, on va tourner une poignée pour la manipulation. Et les aiguilles, elles sont envoyées dans l'eau verticalement par le barragiste. Lui, il se met sur la passerelle de métal. Il envoie les aiguilles dans l'eau une par une en amont, c'est-à-dire que lui, il regarde, on va dire, vers la source, pas vers la confluence, vers la Loire. Quand il est sur sa petite passerelle, il regarde vers l'amont. Mmh. Il envoie les aiguilles dans l'eau, le courant va venir les plaquer contre la structure en métal. Et en fait, elles se retrouvent bloquées tout en bas parce qu'elles viennent s'appliquer et se bloquer contre la grande poutre de bois, la longrine, et tout en haut, elles viennent se bloquer sur la passerelle en métal. Elles ont deux points d'appui, elles ne sont pas fixées, pas vissées, rien, rien, rien. Elles sont plaquées par l'eau et par le courant. Voilà. tout ce que vous nous expliquez là, ce mécanisme est fonctionnel au jour d'aujourd'hui ? Alors oui, toujours aujourd'hui, la plupart des anciens barrages, eh bien tous les ans, on va avoir l'équipe du NEC, le Nouvel Espace du Cher. C'est un syndicat qui aujourd'hui la gestion, entre autres, du Cher canalisé. Donc il y a une équipe de techniciens, de barragistes, qui tous les ans va venir remonter les fermettes en métal, clipser les petits morceaux de tablier, mettre les aiguilles à l'eau. Et puis quand il y a besoin, de temps en temps, s'il y a une ou deux aiguilles qui partent, on en remet. Et à la fin de la saison, à l'automne, ils viennent enlever les aiguilles une à une, puis redémonter les fermettes et les coucher au fond de la rivière. Évidemment, le NEC, on en a entendu parler assez récemment avec ce qui s'est passé évidemment à Chisseau, oui, avec le barrage à aiguilles qui a cédé. Oui, alors le Cher, c'est une rivière et l'eau, on sait qu'elle est toujours incontrôlable. Alors, dans nos souvenirs assez récents, il y a eu la grande crue, par exemple, de 2016. Je ne sais pas si vous en avez souvenir, Marlène, mais par exemple, au niveau du château de Chenonceau, le niveau d'eau est monté assez haut sous les grandes arches du pont de Diane. On était à un débit aux alentours peut-être de 900 mètres cubes secondes, ce qui est quand même assez impressionnant. Ouais. Mais... Et puis là, l'année 2024. Alors elle est... On ne peut pas la raconter cette année, ça a été une surprise pour tout le monde. Des crues et des crues qui se sont succédées, peut-être comme quelque chose comme 7 ou 8 crues importantes. Et malheureusement, les crues de l'automne, oui, ont été particulièrement puissantes et ont fragilisé, puis malheureusement cassé, une partie des structures de deux barrages à aiguilles. Dans le Loir-et-Cher, c'est le barrage de Chissé-en-Touraine qui en a fait les frais, Chissé-Saint-Georges. Et puis, en Pays-Loire-Touraine et donc en Indre-et-Loire, c'est le barrage de Chisseau. Alors, je peux vous dire que le NEC a voté son budget, les barrages vont être réparés. Mais encore faut-il avoir un niveau d'eau qui descende un petit peu, puis surtout un débit qui descende, qui permette aux techniciens d'aller faire les travaux de réparation, ce qui n'est pas le cas là en ce moment où nous parlons. Donc oui, c'est quelque chose de compliqué. C'est vrai que, comme on dit, le changement climatique, c'est quelque chose que l'on voit plus ou moins facilement. Je peux vous dire que sur le Cher, c'est quelque chose qu'on observe malheureusement assez facilement. Ouais. Donc oui, ils existent toujours, mais ils sont fragiles. Ce sont des œuvres d'art, hein. C'est vraiment un patrimoine des ponts et chaussées, comme on dit, particulièrement intéressant et important. On est la seule rivière de France où on avait une telle suite de 16 barrages à aiguilles construits à la suite des uns des autres. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors même si un ou deux ont été transformés, le barrage de Saint-Aignan est devenu par exemple un barrage à vannes, mais il n'empêche qu'on a encore aujourd'hui quelque chose d'assez cohérent, un patrimoine rare. Je le dis toujours, mais pour apprécier ce patrimoine, pour le défendre, encore faut-il le connaître. Et nous, c'est vrai qu'avec le Pays Loire-Touraine, depuis qu'on propose des actions de médiation autour du patrimoine, dès que je suis arrivée dans une commune au bord du Cher, j'ai tout de suite parlé du Cher canalisé et des barrages à aiguilles. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Souvent, je dis même à mes visiteurs, surveillez le calendrier des techniciens du NEC pour avoir l'occasion d'assister au montage ou au démontage d'un barrage. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à voir. Et puis c'est une technique toute particulière. Alors heureusement, aujourd'hui, nos barragistes, ils sont reliés à une ligne de vie. C'était une profession particulièrement dangereuse au 19e siècle. Malheureusement, plusieurs barragistes ont perdu la vie pendant ces manœuvres parce que si vous imaginez que l'aiguille de bois, quand elle est envoyée verticalement dans l'eau, le barragiste tout en haut a sa main qui maintient la poignée jusqu'à ce que l'aiguille se plaque correctement. Mais il suffit qu'il y ait un petit courant, une petite vague, et si vous n'êtes pas bien stable sur vos deux pieds, vous pouvez malheureusement tomber à l'eau avec votre aiguille, mais il vous arrive la même chose qu'à l'aiguille, c'est-à-dire que c'est le courant qui vient vous plaquer contre la structure, et quand vous êtes plaqué, c'est très difficile de remonter. Donc aujourd'hui, bien sûr, tous les techniciens ont toutes les conditions de sécurité requises, mais ça a été un métier particulièrement dangereux. Mais imaginez par contre la révolution pour la marine de Cher. Et oui, cette marine de Cher, sans changer la physionomie de ses bateaux, on aura toujours des bateaux à fond plat, alors qu'on va appeler, selon leur gabarit, des futraux, des tout cabanés, des chalands pour les plus importants, des gabarres également, quelques-unes, on naviguait sur le Cher canalisé. Les bateaux, sans changer leur physionomie, vont pouvoir améliorer le tonnage de marchandises transportées parce qu'ils vont pouvoir avoir une vraie navigation pendant 6 mois sans discontinuer parce que le niveau d'eau grâce au barrage ne bougera pas. Du coup, ça bougera pas. Et voilà, donc là, il n'y a pas d'aléa. On ne peut pas se dire, je navigue 2 jours et puis je ne sais pas ce qui se passe dans 3 jours. Non, normalement, dans 3 jours, on peut continuer notre traversée. Donc ça, et puis... Comme on a une hauteur d'eau plus importante, eh ben on peut avoir un enfoncement du bateau dans l'eau, ce qu'on appelle le tirant d'eau plus important. Et c'est là qu'on va pouvoir charger davantage de kilos, de tonnes de marchandises. Donc les bateaux restent les bateaux traditionnels qu'on voyait déjà au Moyen-Âge ou au début des temps modernes, mais avec un meilleur tonnage. Tout simplement. Et en dehors de traverser en certains endroits de manière assez touristique, en tant que visiteur, de traverser le Cher, est-ce qu'on peut remonter le Cher, parcourir les 62 kilomètres actuellement ? En bateau ? Oui. Alors non, malheureusement, il faut imaginer que le coût d'entretien de toutes ces structures, que ce soit les barrages, mais aussi les écluses, est particulièrement important et qu'une porte d'écluse... Ça s'abîme, ça, c'est quelque chose qui vieillit, donc qui mérite d'être remplacé de manière assez régulière et parfois ça coince un petit peu sur certaines écluses, donc ce serait difficile. Par contre, les plaisanciers qui connaissent la rivière n'hésitent pas, eux, à amener leur petit bateau et à descendre là où ils savent qu'ils peuvent faire le parcours de 1 ou 2 biefs, par exemple. Le bief, c'est la portion de rivière qui est comprise entre 2 barrages et 2 écluses. Donc parfois, d'accord, on peut parcourir plusieurs biefs, mais peut-être pas... Elle connaît tous les mots, hein, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de tout particulier. Et j'y reviens parce que je l'ai évoqué tout à l'heure. Souvenez-vous, le canal de Berry, qui est du coup la partie en amont, le canal artificiel entre Montluçon et Noyers-sur-Cher. Je vous disais, c'est un canal de petit gabarit. C'est important, oui. Lui, il fait 2,70 m de largeur. Et on visualise tout à fait, hein, voilà, quand vous en parlez. On le voit au bord de la route, effectivement, quand on va vers Romorantin. Tout à fait. Alors, c'est très charmant, mais c'est tout petit. Donc, les bateaux qui naviguaient sur le canal de Berry s'appelaient souvent des berrichonnes. C'est un gabarit de petites pénichettes. Alors, soit les berrichonnes descendaient le canal de Berry, puis arrivaient sur le Cher canalisé, et elles continuaient leur parcours sur le Cher canalisé. Mais la plupart du temps, au niveau de Saint-Aignan-sur-Cher, on les déchargeait pour... pouvoir profiter du fait que sur le Cher canalisé, on pouvait naviguer avec de plus gros bateaux. Le gabarit sur le Cher autorisé était plus important. Les écluses sur le Cher canalisé permettent des passages de bateaux de 35 mètres à peu près de longueur sur 5 mètres de large. Ah oui. Donc bien plus que sur le canal de Berry. Ah oui, clairement. Ouais. Et alors, est-ce que c'est une idée reçue ou bien, puisque vous avez l'air de vraiment bien maîtriser le sujet, j'ai envie de vous poser la question, Anna. On dit souvent que la Loire est beaucoup plus dangereuse que le Cher. Est-ce que c'est vrai ? Alors, pour ce qui est de la baignade, c'est un fait. Puisque le Cher, comme son nom l'indique, ce n'est pas du tout une rivière avec du sable, c'est une rivière avec de la roche, avec des cailloux. Le mot Cher vient d'un mot pré-latin, car, K-A-R, qui signifie roche, rocher. Et alors, en effet, au fond du Cher, vous avez quoi ? De la roche, des cailloux. Quand il y a du sable, c'est vraiment très, très, très, très rare. Voilà. Alors que la Loire, elle a véritablement son lit constitué de sable. Et ces sables ne sont pas, vous savez, les sables mouvants comme on a au Mont-Saint-Michel. Mais ce sont des bancs de sable, des grèves qui vont se déplacer. Mmh. Et du coup, si en tant que baigneur, vous aviez le malheur de vous aventurer dans la Loire, vous n'êtes pas à l'abri d'être emporté par un banc de sable qui serait en train de glisser. Mmh. Voilà, donc ça, c'est particulièrement dangereux. Il y a une chose qui est plutôt... En relation à mettre en relation avec notre vie moderne, c'est que là, on a quelques périodes durant lesquelles la baignade a été interdite sur le Cher ces derniers étés. C'est à cause d'un développement d'une bactérie, la cyanobactérie. Donc là, souvent, il y a des annonces qui sont faites. Ça, c'est véritablement quand on a des périodes d'immersion puis de sécheresse. Oui. Enfin, voilà. Donc là, on fait attention. Mais par contre, en dehors de ces périodes-là, si on va dans des zones où la baignade d'être autorisé, c'est génial de se baigner dans le Cher, que ce soit sur la plage de Montrichard par exemple, ou alors sur la plage aménagée de Bléré par exemple, c'est vraiment très très chouette. Après, pour la navigation, la marine de Loire qui a perduré jusqu'à la fin du 19e siècle a toujours, toujours eu une navigation compliquée jusqu'au bout. Sur le Cher, finalement, on l'avait nettement amélioré sur les 50 dernières années avec le canal de Berry et le Cher canalisé. Mais la Loire, quand on voit et la longueur de la Loire et la largeur de la Loire, hein, baladez-vous du côté d'Amboise, oui, par exemple, de Mont-Louis, c'est quasiment impossible de réguler ou de créer quelque chose de net, on va dire, pour la navigation sur toute l'année. Donc, on a navigué, mais on faisait avec de grandes périodes qu'on appelle des périodes de chômage, hein, de chômage de la navigation. Et les marins de Loire, malheureusement, y étaient habitués et ils faisaient avec. Tout à l'heure, on a évoqué un mot qui était concurrence, mais je vous propose qu'on marque une petite pause en musique avec un titre que vous avez choisi, Anna, et qui sera aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de partager avec vous un morceau que j'aime beaucoup, mais qui est très, très, très connu. C'est un morceau de Pink Floyd, voilà, le groupe de rock, rock progressif anglais, issu de l'album The Wall. Et j'aimerais beaucoup qu'on écoute ensemble Another Brick in the Wall, Part 2, la deuxième partie, puisque c'est un morceau, vous savez, qui est scindé en deux sur l'album The Wall. Et j'aime beaucoup les deux parties, mais la deuxième, elle bouge bien, ça me représente bien. Et bien voilà qui me fait très plaisir et qui, je pense, fera plaisir également à Vincent aux manettes, qu'on salue, qui est toujours là dans l'ombre. C'est parti avec Pink Floyd. Floyd, ça fait du bien sur Radioactive, un choix de Anna Brisson. Anna qui est guide conférencière au Pays Loire-Touraine et qui aujourd'hui nous emmène en voyage sur le Cher, mais pas n'importe lequel, le Cher canalisé. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, On l'a dit tout à l'heure, mais si vous n'avez pas eu le temps de le noter, c'est le moment. Le jeudi 24 avril à 18h, il y aura une conférence autour de ce cher canalisé à Véretz, à la salle Eugène Bizot. Pensez bien à réserver. On a évoqué donc le trajet que pouvait parcourir le Cher, on a parlé des barrages, notamment des barrages à aiguilles, on a parlé des crues, on a parlé, voilà, dans cette première partie d'émission, de beaucoup d'éléments concernant cette rivière. Et puis la navigation, bien évidemment, qui a pendant des années été le point d'orgue de ce fleuve, de cette rivière. Et puis un beau jour est arrivé un concurrent, Anna. Oui. Et oui, la concurrence va être rude. Alors, on a quand même des familles de mariniers qui sont très présentes et très installées sur le Cher. Par exemple, la commune de Véretz, hein, plus de 36 familles de mariniers sont recensées sur la commune de Véretz au milieu du 19e siècle. Saint-Georges-sur-Cher, aux portes du Pays Loire-Touraine, hein, vraiment à la frontière avec le Loir-et-Cher et l'André-Loire. Oui. Là, ce sont 100 familles de mariniers qui sont recensées dans le hameau dit du Port. Ah oui, on voit très très bien ce lieu avec le petit cheval, ce petit cheval en pierre là qui est Tout à fait. Oui, bien. Donc c'est vraiment une part très importante de l'économie locale, hein, que la marine de Cher, qui est une sous-branche de la marine traditionnelle de Loire. Et puis, elle va rencontrer la machine de fer. Eh oui, c'est l'arrivée du chemin de fer. Eh oui. Alors, en France, on va avoir le développement du chemin de fer avec l'étoile de Le Grand en 1842, tout d'abord. 6 grandes lignes de chemin de fer qui vont rayonner en forme d'étoile au départ de Paris. Et nous, en Touraine, il y a une ligne qui nous intéresse particulièrement, c'est la ligne Paris-Orléans-Tours, qui va être inaugurée en 1846. Donc, elle, de son côté, elle va commencer à faire décliner la marine de Loire. Et puis, pour le Cher canalisé, on va attendre une autre ligne d'intérêt national, qui est la ligne Tours-Vierzon. Alors même quand on n'est pas trop bon en géographie, on situe bien que Étours, c'est en bord de Cher, et Vierzon aussi. On va avoir une ligne de chemin de fer qui va avoir un tracé parallèle à notre rivière, parallèle au Cher. La décision est prise de construire cette ligne de chemin de fer en 1861. Ça va prendre du temps puisqu'elle ne sera inaugurée qu'à l'automne 1869. Mais ce qui arrangera bien Édouard André. Ah, exactement. Oui, ah, il y en a qui suivent les émissions. Je suis quand même. Bon, Édouard André, donc, parc à la Croix en Touraine, avec ce grand paysagiste, finalement. Tout à fait. Voilà. Architecte paysagiste qui a, comme vous le dites, bien profité du chemin de fer. C'était très important pour sa profession de pouvoir faire venir des végétaux pour agrémenter les parcs et jardins en Touraine. Je reviens à notre ligne de chemin de fer Tours-Vierzon. Elle est parallèle au tracé du Cher. Elle va susciter, bien sûr, l'indignation des mariniers du Cher, qui comprennent bien que ça va être une concurrence très difficile pour eux. Donc pendant de nombreuses années, ils vont batailler. Malheureusement, ils n'auront pas gain de cause. Le 18 octobre 1869, on a le premier voyage avec des passagers sur cette ligne Tours-Vierzon. Il faut environ 3 heures pour relier ces deux villes. Et le train, il avance vite. Dans les années 1870-1880, il faut environ 3 heures pour relier les deux villes. On avance à une vitesse moyenne de 30 km/h par le chemin de fer. Les bateaux, à la même période exactement, qui empruntent un petit bout du canal de Berry, puis surtout le Cher canalisé entre Saint-Aignan, entre Noyers-sur-Cher et Tours. Bah là, les bateaux, ils avancent plus péniblement à la vitesse de 5 à 6 km/h. Et oui, parce que déjà, quand on remonte le courant, c'est plus difficile que quand on le descend. On espère toujours qu'il y a un petit peu de vent. Quand il n'y en a pas, il faut aller les bateaux. Alors, peut y avoir une traction hippomobile avec des chevaux, mais pas toujours. Parfois, c'est du halage à la bricole, à col humain. Hein. Ce sont les mariniers eux-mêmes, parfois leurs femmes et leurs enfants, qui vont tirer les bateaux. Donc, c'est long. Et puis, à chaque fois, il faut le passage des écluses. Souvenez-vous, il y en a une tous les 4 km avec chaque barrage. Mmh. Il faut prendre le temps d'entrer dans le sas, de vider le sas ou à l'inverse de le remplir, puis passer de l'autre côté. Donc la navigation sur le Cher, elle est efficace, mais elle est bien plus lente que le chemin de fer qui aura la peau de la marine de Cher finalement. Mais oui. Donc, gros plan social chez les mariniers. Oui, alors bon, il faut déjà dire que les mariniers, ils avaient souvent une double profession, puisque comme on pouvait naviguer pendant 6 mois, quand les barrages étaient mis en place, bah, souvent ils avaient une autre activité pour l'hiver. Alors, la plupart du temps, dans la vallée du Cher, on sortait les bateaux de l'eau, il y avait un petit peu d'entretien des bateaux, c'est vrai. Et puis, il y avait souvent une activité plutôt agricole et même plutôt viticole. Mmh. Vous voyez la taille de la vigne, là, qui se fait en janvier-février, par exemple. Donc voilà, il y avait souvent déjà une seconde activité pour ces familles de mariniers. Et oui. Bon, ben voilà, le chemin de fer est arrivé. C'est une autre histoire. C'est une très belle histoire également, mais oui, qui malheureusement a poussé les mariniers à devoir abandonner leur profession et leur bateau. Alors, il y a eu 2 guerres mondiales également, Anna. Et oui. Qui ont forcément impacté aussi sur ce cher canalisé. Oui, tout à fait. Particulièrement pour les deux et pour plusieurs raisons. Alors, prenons la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose de pas forcément extrêmement connu chez nous en Touraine, mais c'est davantage évoqué sur le territoire voisin de la Sologne. Il y a eu l'entrée en guerre des Américains à partir de 1917. Et figurez-vous que les Américains, quand ils débarquaient à l'ouest dans les grands ports de l'océan Atlantique, eh bien, on les faisait venir jusqu'en Sologne, à Gièvre, par exemple, dans le Loir-et-Cher, ou même à Noyers-sur-Cher. Et vous aviez là de très, très, très, très, très grands bâtiments où ils étaient formés avant d'être envoyés au front, plus à l'est. C'est là également que vous aviez... à l'époque, le plus grand frigo du monde. Vous aviez des cliniques pour les chevaux blessés sur le front à l'est venaient jusque dans ces cliniques Loir-et-Cher pour essayer d'être soignés. Donc c'était une implantation très importante. Les Américains avaient appelé ce grand camp le Intermediate Supply Depot. Donc c'était vraiment le dépôt intermédiaire, et pour eux, intermédiaire en quoi? Bah, entre l'océan, là où ils arrivaient, et le front à l'est, là où ils pouvaient être envoyés. Ça se passait chez nous, voilà, aux portes de la Touraine. Du coup, c'est une zone également où on a eu de nombreux hôpitaux militaires. Mmh. Et c'est là que le Pays Loire-Touraine va se faire remarquer, en tout cas pas le Pays Loire-Touraine, mais un site tout particulièrement, c'est le château de Chenonceau, qui à l'époque appartient à la famille Meunier. Déjà, ils ont pu l'acquérir en 1913, donc vous voyez, pendant la Première Guerre mondiale, le château leur appartient. Et bien là, sous l'impulsion d'une des femmes de la famille Meunier, il va y avoir la mise en place d'un hôpital militaire. Voilà. Au château de Chenonceau, tout à fait. Les soldats blessés étaient installés dans un très très très grand dortoir qui était installé dans la galerie Catherine de Médicis. C'est cette très jolie galerie au-dessus du pont de Diane, cette partie qui traverse la rivière. Donc on imagine ces lits de soldats. Et puis ça, c'est peut-être plus pour vous faire sourire, parce qu'on évoque quand même une période assez grave de l'histoire de France, et puis là même du monde. Mais ces soldats qui étaient soignés dans l'hôpital du château de Chenonceau, ils avaient la chance de pouvoir ouvrir les fenêtres de la galerie de Catherine de Médicis. Et pour améliorer un petit peu les repas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pêchaient par les fenêtres. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, encore, le château garde les traces du passage de ces soldats qui pêchaient. Je croyais que vous alliez me dire aujourd'hui encore, on pêche depuis les fenêtres du château. Non, on ne pêche plus. Mais en observant très attentivement les pierres de tuffeau, on voit les marques des hameçons qui se sont accrochées sur la façade, voilà, de la galerie Catherine de Médicis. Non, mais voilà, vous ne pourrez pas désormais visiter le château de Chenonceau sans prendre en compte ces petites anecdotes-là que vous n'auriez jamais pu, dont vous n'auriez jamais eu connaissance en écoutant, sans écouter. Je peux pas, j'ai patrimoine avec Anna. Donc oui, voilà, pour la Première Guerre mondiale, l'hôpital au château de Chenonceau, très important. Et puis voilà, ce grand dépôt, ce grand camp américain sur la partie plutôt Loir-et-Cher, avec la rivière et le chemin de fer, les deux très importants. Et puis, si on parle de la Seconde Guerre mondiale, alors là, c'est bien différent. Vous le savez sans doute, en 1940, il y a la ligne de démarcation qui va être tracée, séparant la zone occupée au nord de la zone dite libre au sud. Eh bien, en Pays Loire-Touraine, la ligne de démarcation, elle suit exactement le tracé du Cher depuis Chissot, donc, puisque c'est le début du département d'Indre-et-Loire, jusqu'à la commune de Bléré. Donc, vous voyez, sur les communes de Chissot, Franqueuil, Civray, Chenonceau, là, on est très, très, très impacté, puisque d'un côté, en rive droite, eh bien, on est en zone occupée. De l'autre côté, en rive gauche, on est en zone libre. Et puis après, quand on arrive à Bléret, la ligne de démarcation, elle commence à descendre, à bifurquer un peu, puis elle va piquer vers le sud en direction de Loches. Et il y a toute une histoire très importante avec des passeurs. Des gens, voilà, qui faisaient passer la rivière, ligne de démarcation, pour aller de la zone occupée vers la zone dite libre. Alors ceux qui faisaient passer directement... la rivière, on connaît le nom des passeurs, par exemple à Port-Chandon. Voilà, c'était tout un réseau. Hein. Il y avait un camp de prisonniers à Amboise, à la Patte d'Oie. Mmh. Ils traversaient la forêt d'Amboise, ils arrivaient à Port-Chandon, ils traversaient avec le propriétaire du bac. Là, il y avait le monsieur du café qui les emmenait ensuite en direction de la baie Lacour. Enfin, c'est tout un trajet. La baie Lacour a été sur Cher. Oui, mmh. Voilà. Et puis, il y avait aussi les barragistes eux-mêmes hein, qui, pendant la nuit, manipulaient les aiguilles de leur barrage pour faire baisser le niveau d'eau pendant la nuit. On pouvait traverser à pied, on les remettait le matin, le niveau d'eau remontait et ça passait quasiment inaperçu. Oh. Donc oui, ligne de démarcation, c'est ce presque cher, angoissant ce que vous nous racontez là. Ah oui, bah, non, il faut le prendre du bon côté en se disant que oui, il y a eu un réseau de résistants, de résistance très importante au bord de cette rivière. On se met à la place des pauvres gens qui voulaient simplement traverser pour être en zone libre. Donc évidemment, je trouve qu'il y a un côté angoissant quand on pense à eux. Oui, bah en fait, on se projette, mais du coup, projetez-vous, Marlène, du côté de ceux qui ont aidé, voilà, en voyant le côté positif. Bien sûr. Et puis, bah, y a le Cher aujourd'hui, parce que peut-être qu'on peut l'évoquer si vous voulez bien. Mais au contraire, on peut toujours naviguer sur le Cher. Alors oui, il y a des parties où... Alors, déjà, la rivière, elle a été déclassée des voies navigables françaises hein, en 1955 pour la marine marchande. Voilà. Par contre, la navigation de plaisance y est toujours autorisée. Et donc, si vous possédez une petite barque, un canoë, un kayak, vous pouvez, avec votre famille, vos amis, aller faire un petit tour de bateau sur le Cher. Donc, il y a des activités comme ça, on va dire, de loisirs en petit comité, mais il existe aussi des compagnies de bateaux qui vous permettent de faire un petit tour, par exemple la Bélandre au départ de Chissot. Oui. Vous partez en bateau électrique ou en bateau restaurant, en bateau croisière, donc ça c'est sympathique. De nombreuses compagnies vont louer des canoës ou des kayaks pour vous permettre de faire de jolies balades également. Et des magnifiques photos en même temps, évidemment. Ah, oui. Oui, oui, et puis on connaît des photographes de Cher qui font de très belles photos. Et on salue Jean-François, bah, bien évidemment. Bien sûr, on salue Jean-François Souchard pour ses belles photos. Aujourd'hui, on a aussi de très nombreux piétons et randonneurs qui vont se balader au bord du Cher sur les anciens chemins de halage. J'évoquais le halage tout à l'heure aujourd'hui. Hein, c'est le fait de tirer les bateaux avec des cordages pour les faire avancer quand il faut remonter la rivière et qu'il n'y a pas de vent. À l'époque, il n'y avait pas ces grands arbres puisqu'on ne peut pas avoir d'obstacles pour tirer les bateaux avec les cordages. Mais aujourd'hui, la nature a un petit peu repris ses droits et ce sont des balades fantastiques, magnifiques à faire. Mmh. Et puis, le vélo, l'itinéraire Cœur de France à vélo, c'est un petit peu le Cher à vélo qui fait pendant à la Loire à vélo. C'est des plus agréables et on voit de plus en plus de personnes fréquenter ces itinéraires. C'est vrai que le Cher... Il est assez verdoyant, il est un petit peu plus étroit que la Loire. Ce sont des paysages totalement différents. Alors les gens qui ont fait la Loire à vélo, même si c'est pas loin, ils peuvent faire le Cher à vélo parce que c'est tout à fait autre chose. Et puis c'est vrai que ce Cher, il est célébré au travers de pas mal d'événements. Alors évidemment, en conférence du Pays Loire-Touraine, mais on pense aussi à Jour de Cher, on pense à Guitare en Cher, on pense à la fête des berges. Tout à fait, oui. Ben, c'est très important en fait. Il y a eu une prise de conscience du patrimoine qui était à la fois la rivière, le patrimoine naturel, mais aussi, je l'évoquais, les barrages à aiguilles et les écluses tout à fait exceptionnelles. Ouais. Donc on célèbre ces lieux, on célèbre cette rivière sur plusieurs jours. On y fait plein de choses différentes, hein, que ce soit des défilés de radeaux en tout genre, des spectacles pyrotechniques ou simplement aller s'installer pour une guinguette en bord de Cher. Voilà, ça c'est pour tout le monde, c'est quelque chose de très très très agréable. Moi j'aime aussi beaucoup pendant mes visites, ça fait 2-3 ans que j'ai créé une visite que j'ai appelée Cher Nature, où on va parler un petit peu de la canalisation mais aussi de la faune et de la flore, parce que oui, cette faune elle a une particularité. Alors pour les petits enfants, on va parler par exemple des castors, des martins pêcheurs, des hérons cendrés, puis des poissons. Alors il y a toujours des petits enfants qui ont des papilles amie qui les emmène à la pêche. Alors, ils sont incollables sur les noms des poissons de rivière. Et puis, pour les plus grands, ça peut être aussi parler de la flore, hein, les différents saules que l'on peut rencontrer, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut célébrer tout au long de l'année, la rivière, le Cher, même quand le temps est un petit peu gris, même quand il n'y a pas de feuilles, il y a toujours quelque chose à faire ou à voir au bord de la rivière. Et puis justement, parce que le Cher, c'est aussi le Cher aujourd'hui, comment vit-il, comment évolue-t-il, avec l'équipe du Pays d'Arrêt d'Histoire Loire-Touraine, nous avons convié le NEC à participer à notre conférence. Donc, pour une fois, je ne serai pas seule à prendre la parole. Après vous avoir un petit peu exposé l'histoire du Cher, de la canalisation, de la marine de Cher, de l'arrivée du chemin de fer, et puis de ce que l'on fait aujourd'hui sur la rivière, je laisserai la parole à Juliette Bradford du NEC, le nouvel espace du Cher. Elle est en charge d'un grand projet autour de là, alors je vais donner plusieurs mots parce qu'il faudra venir l'écouter elle pour bien en parler, de la réhabilitation, restauration, restructuration des différentes maisons éclusières qui bordent le Cher canalisé, parce que ces maisons, elles ont été longtemps occupées par les barragistes et les éclusiers, puis aujourd'hui certaines sont encore des logements d'anciens éclusiers ou d'anciens barragistes, d'autres sont des lieux de stockage, d'autres sont des bureaux d'accueil pour des sociétés, mais alors l'idée c'était d'avoir quelque chose d'assez harmonieux et surtout divers, varié. Donc, il faut réhabiliter le bâtiment en tant que tel et puis avoir une sorte de cohérence. Et donc, ça, c'est le grand projet, la grande mission que s'est donné le NEC avec à la tête de ce projet Juliette, que vous pourrez écouter à la fin de la conférence du 24 avril. Très bien, Anna. Et alors, lorsque l'on prend connaissance du petit programme du Pays Loire-Touraine et de cette date du jeudi 24 avril, on peut voir les quelques mots qui suivent. Présentation de l'exposition « Histoire et mémoire de Montlouis et ses environs » des archives départementales d'Indre-et-Loire. Ça sera le même jour au même endroit ? Oui, le même jour au même endroit. Alors, c'est un partenariat avec les archives départementales. Ils viennent nous monter l'expo, ils viendront la démonter le lendemain. En fait, cela permet aux gens qui arrivent un petit peu plus tôt, avant de s'installer complètement, s'ils ont un petit peu le temps, de regarder, de lire cette exposition. Okay. Alors, je l'ai dit, en fait, la marine de Cher et la marine de Loire, elles sont très liés de par leur histoire, de par le territoire également. Donc, on avait demandé aux archives de bien vouloir nous prêter cette expo pour le jour de la conférence. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à arriver une demi-heure à l'avance. Voilà, nous, on sera là, on vous accueillera et vous pourrez profiter de l'expo avant d'écouter la conférence. Super. Merci beaucoup, Anna. On a déjà presque eu un bout de la conférence aujourd'hui. C'est vraiment passionnant, comme ça l'est à chaque fois dans cette émission Je peux pas, j'ai patrimoine, en partenariat avec toute cette chouette équipe du Pays Loire-Touraine qu'on a toujours autant plaisir à accueillir dans nos studios ou à suivre également lors des sorties. Merci beaucoup, Anna. On peut retrouver donc toutes les informations, si on n'a pas eu le temps de les noter, sur le site du pays. Oui, www.paysloiretouraine.fr. Il suffit juste d'aller cliquer sur télécharger la brochure programme. Alors là, on est sur les dernières actions de la saison automne, hiver, printemps. Mais patience, dans quelques semaines à peine, au début du mois de mai, sortira le tout nouveau programme. Et puis une de mes collègues, je crois, va venir vous en parler prochainement. C'est déjà dans les tuyaux. On vous concocte plein de belles choses pour cet été. On n'en doute pas. Eh bien, merci beaucoup, Anna. On se quitte pour cette nouvelle édition et on se dit à dans un mois pour une toute nouvelle. Merci beaucoup, à très bientôt.